Il est 13h20, l'heure de rendez-vous avec X. On le trouve dans presque toutes les grandes villes, un monument bizarre représentant un missile sur fond de montagne. C'est dire à quel point les Pakistanais sont fiers d'appartenir à une nation devenue une puissance nucléaire et qui a construit la première bombe musulmane, comme ils le disent eux-mêmes. Nous avons évoqué la semaine passée avec M. X les conditions qui ont permis au Pakistan d'acquérir l'arme nucléaire afin de pouvoir rivaliser avec son voisin et ennemi, l'Inde. Mon interlocuteur a notamment mis en lumière le rôle des grandes puissances dans cette affaire, alors même qu'elles prônent officiellement la non-prolifération nucléaire. Les États-Unis, mais aussi la France, relayés ensuite par la Chine, ont joué les apprentis sorciers en aidant le Pakistan dans cette course à l'atome. Deux grands pays possédant une longue frontière commune et qui sont pratiquement en conflit permanent depuis leur indépendance en 1947 sont donc dotés de l'arme nucléaire et des vecteurs qui permettent de la transporter. Cette dangereuse coexistence sera-t-elle pacifique? La sagesse l'emportera-t-elle? Ou bien, un jour, à l'occasion d'un nouvel incident, au Cachemire par exemple, un nouveau docteur Folamour appuiera-t-il sur le bouton nucléaire? Ce n'est toutefois pas le seul danger. Si l'Inde cède parfois au fanatisme hindou, le Pakistan est aussi traversé par la fièvre intégriste musulmane. Et son président, le général Musharraf, qui règne d'une main de fer, a quand même été victime de plusieurs attentats. Que se passerait-il si les fondamentalistes parvenaient à le renverser? N'y aurait-il pas un risque de voir des terroristes proches d'Al-Qaïda mettre la main sur une arme nucléaire? D'autant que celui qu'on appelle le père de la bombe pakistanaise, Abdul Qader Khan, est réputé proche des islamistes. Un étrange personnage qui a non seulement permis à son pays de construire la bombe atomique, mais qui a aussi organisé un véritable marché noir du nucléaire, en toute impunité, car le docteur Khan est devenu un héros dans son propre pays. Un jour le diable vint sur terre. Un jour, le diable vint sur terre pour surveiller ses intérêts. Il a tout vu, le diable. Il a tout entendu. Et après avoir tout vu, après avoir tout entendu, il est retourné chez lui, là-bas. Et là-bas, on avait fait un grand banquet. À la fin du banquet, il s'est levé, le diable. Il a prononcé un discours. Ça va. Il y a toujours un peu partout des feux illuminant la terre, ça va. Les hommes s'amusent comme des fous au dangereux jeu de la guerre, ça va. Les trains déraillent avec fracas parce que des gars pleins d'idéal mettent des bombes sur les voies. Ça fait des morts originales, ça fait des morts sans confession. Des confessions sans rémission, ça va. Rien ne se vend, mais tout s'achète. L'honneur et même la sainteté, ça va. Les états se mutent en cachette. En anonyme société, ça va. Les grands s'arrachent les dollars venus du pays des enfants. L'Europe répète l'avare dans un décor de 1900. Ça fait des morts d'inanition et l'inanition des nations, ça va. Les hommes, ils en ont tant vu que leurs yeux sont devenus gris, ça va. Et l'on ne chante même plus dans toutes les rues de Paris, ça va. On traite les braves de fous et les poètes de nigauds, mais dans les journaux de partout, tous les salauds ont leurs photos. Ça fait mal aux honnêtes gens et rire les malhonnêtes gens. Ça va, ça va, ça va, ça va. France Inter, rendez-vous avec X. C'était il y a un peu moins d'un an. Une scène quasi surréaliste. En treillis, visiblement ému, le président pakistanais Pervez Musharraf est apparu sur les écrans de télévision et a déclaré « Notre héros national a commis des erreurs, c'est regrettable. Mais comme il les a reconnues, j'ai décidé de lui pardonner. » Et la veille, hein, le docteur Khan était venu lui-même à la télévision présenter ses excuses. Oui, il a reconnu ses fautes et il a dit en substance « J'ai agi de ma propre initiative. Ouais, » c'est-à-dire sans avoir l'autorisation des autorités pakistanaises. Et c'était là l'essentiel. Il fallait absolument que le gouvernement soit dédouané. Car le docteur Khan avait tissé des liens commerciaux avec nombre d'États voyous, pour reprendre la terminologie américaine. La Corée du Nord, l'Iran, la Libye, etc. Autant de pays auxquels il a proposé de les aider à construire leur arme nucléaire. Contre-finance, bien sûr. Bien entendu, Abdul Khan a édifié une immense fortune. C'est peut-être même l'homme le plus riche du Pakistan. Ouais. Mais si vous avez parlé de scènes surréalistes, hein, en parlant de l'allocution télévisée du président Musharraf, c'est que vous ne croyez pas à la sincérité de son propos. C'est évident. Pas plus que je ne crois à l'authenticité du mea culpa de Khan. Le gouvernement, mais aussi l'armée toute puissante au Pakistan, ne pouvait pas ne pas connaître les activités du docteur Khan. Mais ça, on va peut-être en reparler. Mm-hmm. Enfin, auparavant, intéressons-nous à la biographie de cet homme redoutable. Ouais. Alors, d'où vient-il ? Il est né en Inde, à Bhopal, très exactement, où son père est instituteur. Il a tout juste 11 ans lors de l'indépendance et du drame qui s'ensuit. La fuite des musulmans vers le nord. Et celle des hindous vers le sud. Ouais. Enfin, le plus grand déplacement de population jamais vu. On estime que 30 millions de personnes ont alors abandonné leur maison. Et 1 million d'autres ont péri au cours de la guerre religieuse qui a accompagné ces migrations et lancé musulmans et hindous les uns contre les autres. Indubitablement, l'enfant a été choqué par ces horreurs. D'où la haine farouche qu'il voue à l'Inde et aux Indiens. Comme de nombreux autres Pakistanais. Oui, hein. Oui, la partition de 1947 a laissé des traces ineffaçables. On le voit encore aujourd'hui, plus d'un demi-siècle après. Le Pakistan, démographiquement plus faible, vit toujours dans la hantise du voisin indien. La hantise de la guerre. En effet, ça explique que le pays consacre des sommes énormes à ses forces armées. Alors revenons à Khan. Où sa famille se fixait-elle ? À Karachi, la capitale économique du pays. Le jeune Abdul est un élève très doué, particulièrement en sciences, et ça lui vaut de bénéficier d'une bourse qui lui permet d'aller poursuivre ses études scientifiques en Europe. Où plus précisément ? D'abord à Berlin-Ouest, puis en Belgique et finalement aux Pays-Bas. Il devient alors ingénieur métallurgiste et s'installe en Hollande, où il épouse une africanaire d'origine néerlandaise qui va bientôt lui donner 2 filles. Et où travaille-t-il alors ? Ah, ça c'est un point capital. Le docteur Khan, comme il aime à se faire appeler, est engagé dans un laboratoire d'Amsterdam, spécialisé dans l'étude et la fabrication de centrifugeuses. Mais pas n'importe quelle centrifugeuse. J'imagine. Ouais. Oui. Les machines sur lesquelles travaille Khan sont destinées à enrichir l'uranium. C'est-à-dire à obtenir à partir du simple minerai d'uranium, l'isotope 235, une matière fissile. Propre à un usage civil ou militaire. C'est exact, oui. Enfin, donc ces centrifugeuses sont des engins d'une extrême sophistication. En gros, ce sont des sortes de lessiveuses équipées d'un tambour qui tournent dans le vide à la vitesse du son. Enfin, pardonnez-moi de ne pas vous en dire plus, car je ne suis vraiment pas un spécialiste. Merci, mais enfin, je crois néanmoins avoir un peu compris. J'ajoute que cette opération doit être répétée des centaines et des milliers de fois pour recueillir une quantité suffisante d'uranium enrichi. Car suffisante pour fabriquer une bombe ? Oui, c'est ça. Les savants appellent ça la masse critique. Et je crois que ça tourne autour d'une 20aine de kilos. Enfin, je ne veux pas dire de bêtises. Et ce qui est très intéressant avec ce procédé, c'est qu'il est très discret. Je crois qu'une centrifugeuse ne mesure pas plus de 2 mètres de haut. Oui, alors c'est difficilement détectable. À la différence de l'autre filière qui consiste à retraiter le combustible irradié pour en extraire du plutonium. Une usine de retraitement, ça n'échappe pas à la détection par satellite. Oui. Alors ça signifie qu'un pays qui veut se doter de l'arme nucléaire, en enfreignant le traité international de non-prolifération, choisira plutôt la filière de l'uranium enrichi. Naturellement, mais enfin revenons au docteur Khan. Il est donc devenu un spécialiste des centrifugeuses. Au reste, il mène une vie très rangée auprès de sa femme et de ses 2 filles. Il est parfaitement intégré aux Pays-Bas ? Tout à fait. Et il n'envisage pas de retourner dans son pays. Mais en 1974, il apprend, comme tout le monde, que l'Inde vient de procéder à un essai nucléaire. Un événement qui fait sensation au Pakistan et provoque une véritable panique. Oui, parce que Le voisin ennemi vient soudain de prendre l'avantage. Oui, oui. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit dans notre précédent entretien. Le président pakistanais, Ali Bhutto, décide qu'il faut que son pays se lance de toute urgence dans un programme d'armement nucléaire. Mais quitte a-t-il dit, hein, à ce que le peuple mange de l'herbe. Je vois que vous m'avez écouté. Bon, dans sa Hollande, Khan n'a rien perdu de ces événements et de la fièvre qui s'est emparée de son pays d'origine. Alors ça réveille sa fibre patriotique. Exactement. Il prend aussitôt sa plume, écrit au président Bhutto et lui fait des offres de service. Il est donc prêt à revenir chez lui. Et à participer à l'effort de son pays pour se doter de l'arme nucléaire. Est-il entendu? Bah forcément. Les spécialistes pakistanais ne sont à l'époque pas si nombreux. Mais attendez, quand même, le docteur Khan n'est pas un savant atomiste, c'est un ingénieur. Certes, toutefois, il connaît la technique de l'enrichissement de l'uranium. Et ça, c'est très précieux. Alors, il part pour le Pakistan. Pas tout de suite. Hein. Ici se place une curieuse affaire. Pourquoi curieuse, hein? Bon, si vous le voulez bien, nous en parlerons un peu plus tard. Il fait encore des mystères, là. Non, mais laissez-moi poursuivre. Si le docteur Khan retarde son départ, c'est en tout cas la version officielle, c'est qu'il ne veut pas arriver dans son pays les mains vides. C'est-à-dire? Il veut emporter les plans de fabrication des centrifugeuses, mais aussi la liste des fournisseurs de la société qui l'emploie. Fournisseurs qui fabriquent les centrifugeuses. Ouais. Alors, il est donc prêt à commettre un vol, c'est ça? Effectivement. Et c'est ce qu'il va faire. Plus tard, il sera d'ailleurs condamné par contumace à 4 ans de prison pour ce vol de secret industriel. Ce qui donne, reconnaissons-le, à une incontestable authenticité à cette version. Admettons. Après avoir achevé son travail d'espionnage, Khan s'envole avec femme et enfants pour le Pakistan, où il entend se fixer définitivement. Et bien sûr, il est accueilli là-bas avec effusion. Le président Bhutto en personne le reçoit et sans tarder, on le nomme à la Commission nationale de l'énergie nucléaire. Cet organisme est alors présidé par un physicien, Mahmoud, qui va très rapidement évincer. Il va être le véritable patron de la recherche nucléaire. Oui, le docteur Khan est un ambitieux. Et il obtient du président Bhutto qu'on lui confie la direction d'un laboratoire de recherche et de production d'uranium enrichi situé près d'Islamabad. Un centre qui sera bientôt appelé le KRL. Un acronyme anglais qui veut dire « Laboratoire de Recherche Khan ». Oui, tout simplement. Le docteur Khan n'a jamais brillé par sa modestie. Bon. Il commence à travailler? Oui, disposant de crédits pratiquement illimités, dont certains sont directement fournis par l'Arabie Saoudite, il se met en devoir de créer un véritable réseau international. Et pourquoi? Dans quel but, là? Il faut se procurer tous les matériels nécessaires à la fabrication des centrifugeuses. Or, ces matériels sont très surveillés. Parce qu'on sait qu'ils peuvent servir à l'enrichissement de l'uranium. Et l'Agence internationale de l'énergie atomique veille. Donc, pour tromper les experts, Khan monte toute une série de sociétés écrans. Et pour cela, il utilise des collègues qu'il a connus en Europe. Des scientifiques suisses, allemands ou néerlandais qui sont appâtés par le gain, car le Pakistanais paye très bien. Autant de personnes qui savent pertinemment que le docteur Khan veut construire une bombe? Oui, mais peut-être ignore-t-il que leur ancien et si généreux collègue est devenu aussi un personnage résolument anti-occidental, un fou de Dieu omnibulé par le nationalisme. No hell below us. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Nationaliste, Abdul Khan est-il pour autant un islamiste, comme le suggère Monsieur X? Je lis dans Le Monde le témoignage d'un de ses proches qui affirme que, marié à une étrangère, il n'a jamais imposé à ses filles de porter le voile et qu'il ne s'est jamais caché d'apprécier à l'occasion un peu d'alcool. Par ailleurs, l'auteur de cet article, Françoise Chipot, souligne que le docteur Khan a été marqué par la sanglante partition de 1947. Et elle cite l'ingénieur qui revient sur des faits vieux de 40 ans. « Je n'ai jamais oublié comment, alors que je gagnais le Pakistan, un garde frontière indien a arraché de ma poche le stylo que m'avait donné mon frère pour me récompenser de mon succès aux examens. » Et il conserve chez lui une grande peinture murale de ce qui se veut le dernier train à avoir traversé la frontière, laissant derrière lui un cortège sanglant. Autre citation empruntée à ce même article. En 1976, le docteur Khan veut aller vite et ne s'embarrasse pas de scrupules. Il décide d'acheter tout ce qui est possible sur le marché et de ne fabriquer localement qu'en dernier ressort. Ses équipes sillonnent le monde pour faire leurs emplettes. Des compagnies écrans sont créées au Proche-Orient, en Extrême-Orient. Quand les ambassades occidentales arrêtent de délivrer des visas aux scientifiques pakistanais, les directeurs des compagnies européennes ou américaines sont invités en Turquie, à Dubaï, à Singapour ou à Hong Kong pour discuter de contrats lucratifs. J'ai pleinement profité de la volonté des compagnies occidentales de faire des affaires, affirmera un jour le docteur Khan dans une interview. Personne alors ne cherche à savoir comment il opère. Il a les coudées d'autant plus franches que son projet avance. Grâce à son réseau clandestin, Khan achète donc tant et plus. Et déjà, on peut penser qu'il a une idée en tête. Quoi ? La revente et la réexportation des matériels, mais aussi de sa technologie. Parce qu'il achète bien au-delà des besoins propres du Pakistan. Enfin, j'y reviendrai. Ça. Au Pakistan, on doit quand même bien s'en rendre compte. Qui ? Les autorités civiles ? Elles sont bien empêchées de contrôler quoi que ce soit. Et son mentor, là, le président Bhutto ? Ah ben, il est renversé en 1977 par un militaire, le général Ziaulak. Et il sera ensuite condamné et exécuté. En 1979, ouais. Oui. C'est désormais l'armée qui est au pouvoir. L'armée qui a pris le docteur Khan sous sa coupe. Son centre de recherche, ce fameux KRL, est d'ailleurs étroitement protégé par des militaires qui ont installé aux abords des missiles sol-air et qui interdisent toute visite de civils. Même les premiers ministres successifs, Benazir, la fille de Bhutto ou Nawaz Sharif, ne pourront y pénétrer. Alors, on peut penser que les militaires, eux, ont percé les intentions du docteur Khan. Et il ne fait nul doute que les généraux ont trouvé leur compte dans ces énormes manipulations d'argent. Corruption ? Mais pourquoi pas ? J'ajoute que naturellement, les services secrets pakistanais, un véritable état dans l'état, étaient parfaitement informés des activités clandestines de Khan. Bon, quoi qu'il en soit, l'ingénieur construit des centrifugeuses par dizaines, et bientôt un premier modèle appelé PAC-1. Parce qu'il en faut beaucoup ? Ah, bien sûr. Plus vous en avez, plus vous pouvez produire d'uranium enrichi. Et en 1984, il peut inaugurer la première usine pakistanaise d'enrichissement. Et vous m'avez dit la semaine passée que c'est en 1983 que la Chine a fourni au Pakistan les plans d'une bombe atomique. C'est ça, oui. Donc le Pakistan va bientôt être en mesure de fabriquer sa bombe. Et en 1984, toujours, Khan aurait même procédé à une expérimentation à froid, dans le plus grand secret. En tout cas, l'ingénieur est devenu du jour au lendemain une sorte de demi-dieu dans son pays. On le décore, on donne son nom à des bâtiments ou des équipes de foot et on voit sa photo partout. Ouais, bref, il est maintenant intouchable. Et il peut continuer ses petits trafics en toute impunité, oui. Alors, justement, venons-en à ces petits trafics que vous dites. En fait, vous l'avez compris, il s'agit plutôt de considérables trafics. Alors, voyons cela plus précisément. D'abord, le docteur Khan, c'est incontestable, veut gagner de l'argent. Beaucoup d'argent. Et ça le conduira très loin. Ensuite, derrière l'homme d'affaires, il y a un idéologue. Un homme qui a déclaré crûment, ce n'est pas un crime de donner la bombe à un pays musulman. Parce que fondamentalement, il considère que l'Occident est l'ennemi naturel de l'islam. Non, mais cet Occident, il a pourtant vécu de très longues années. Oui, c'est assez étonnant, car c'est en Europe qu'il a appris tout ce qu'il sait. Mais il y a chez lui la volonté farouche de relever un défi. Pourquoi un pays aussi pauvre et retardé que le sien ne pourrait pas faire la preuve qu'il est capable de rattraper les nations les plus évoluées en se dotant lui aussi de l'arme nucléaire? Un défi qui ne concerne pas seulement le Pakistan, mais l'ensemble du monde musulman. Un bon islamique. Oui, c'est pour cela en particulier que l'Arabie Saoudite n'a pas hésité à financer ses travaux. Pour le prestige de l'islam. Mais aussi pour bénéficier directement des retombées des recherches de Cannes. Mais comment là? En se voyant offrir quelques ogives nucléaires, par exemple. C'est sérieux ça? Absolument. Le Pakistan et l'Arabie Saoudite ont signé un accord secret de coopération nucléaire. Bien entendu, quand cette affaire a commencé à filtrer, les autorités des deux pays ont nié avec la plus grande énergie, mais... C'était avant que les activités du docteur Khan ne soient révélées au grand jour. Mmh. Et aujourd'hui, alors, ça semble plus vraisemblable. Et par là, même inquiétant, étant donné les liens de l'Arabie Saoudite avec les mouvements terroristes islamistes. Mmh. Oui. Des liens qui ne sont pas avérés. Oui, je sais. Riyad lutte contre le terrorisme. Mais en même temps, grâce à toute une série d'ONG, prétendument charitables, les Saoudiens financent les organisations fondamentalistes les plus extrémistes. Mmh. Et si vraiment Riyad et Islamabad ont passé un accord, Khan a joué un rôle, là? C'est presque certain. Toutefois, c'est d'abord vers l'Iran que se tourne le docteur Khan. L'Iran est majoritairement chiite. Et le Pakistan est sunnite, c'est vrai. Oui. Mais ce n'est pas un obstacle pour Khan. L'Iran est d'abord un pays musulman, et c'est ce qui compte pour lui. En outre, les ayatollahs partagent avec lui la même exécration de l'Occident, et en particulier des États-Unis. Quel genre de relation va-t-il tisser avec Téhéran, alors? L'Iran n'a jamais fait grand mystère de son intention de posséder un jour l'arme nucléaire. Oui, sous prétexte de s'équiper en centrale civile. Évidemment. Et c'est pour cette raison que le Shah d'Iran a conclu un accord avec la France dans les années 70. Le fameux contrat Eurodif. Oui. Le Shah a alors prêté une somme énorme, $1 milliard, je crois, pour obtenir en retour de l'uranium enrichi. Et lorsque Khomeini s'est emparé du pouvoir, il a réclamé l'exécution de ce contrat. Mais... la France s'y refusait. Ah, et d'où la série d'attentats qui a ensanglanté notre pays tout au long de la décennie 80. Et les prises d'otages commanditées directement par Téhéran. Oui, enfin, inutile d'y revenir, nous avons déjà évoqué ces affaires. Et je reste persuadé que dans l'affaire de l'attentat contre le DC-10 du TA, les Libyens ne sont pas les seuls à avoir été impliqués. Bon, enfin, passons. À cause donc de cette affaire Eurodif, le programme nucléaire iranien se trouve donc en panne. Mais faute de disposer d'uranium enrichi. C'est ça. Ouais. Et c'est là que le docteur Khan propose son aide. Dès 1987, en pleine guerre irako-iranienne, il se rend à Téhéran. Mmh. Que propose-t-il aux ayatollahs, alors? Les plans de sa centrifugeuse, la PAC 1, contre monnaie sonnante et trébuchante, bien sûr, car Khan n'oublie jamais ses propres intérêts. Les Iraniens acceptent? Avec empressement, oui, mais sans doute par manque d'expérience, les techniciens iraniens n'arrivent pas à construire les centrifugeuses. Peu importe, le docteur Khan conclut un nouveau contrat, et cette fois, ce ne sont pas des plans qu'il envoie à Téhéran, mais des dizaines de machines en état de marche. Mmh. L'Iran va donc pouvoir commencer à produire de l'uranium enrichi. Et on estime aujourd'hui que ce pays est tout près d'aboutir. Peut-être même a-t-il déjà conçu une bombe. Grâce au docteur Khan, qui lui fournira plus tard une version modernisée de sa PAC 1, mais aussi à la Russie, qui a contribué à son équipement nucléaire. Cependant, l'ingénieur pakistanais n'en reste pas là. Sa petite entreprise a pris une ampleur considérable. Pour des raisons de commodité, il a créé une société dans les Émirats Arabes Unis. Pour des raisons de commodité? Oui, il lui est plus facile de s'y livrer à ses activités de marché noir en toute discrétion. Et puis ça lui permet de ne pas mouiller les autorités pakistanaises. C'est donc à partir de Dubaï que son disciple, un Sri Lankais d'une trentaine d'années, va animer son réseau de trafiquants qui bénéficient de points de chute en Europe et en Asie. Bref, partout où l'on peut faire d'excellentes affaires nucléaires. Et en 1990, Khan ira même jusqu'à proposer ses services à Saddam Hussein. Alors qu'il participe en même temps à l'élaboration du programme iranien. C'est la vérité. Et il offre au dictateur irakien, dont les troupes viennent d'envahir le Koweït, de lui vendre les plans de la bombe afin de faire face aux menaces américaines. Mais sagement, Saddam Hussein, craignant un piège, ne donne pas suite. Un piège? Un piège des Américains. Il faut pas oublier que le Pakistan est un des meilleurs alliés de Washington dans la région. Saddam Hussein peut donc légitimement se méfier. Ouais. Et en acceptant cette proposition, il risquait de donner un argument supplémentaire à la coalition qui envisageait de le chasser du Koweït. Mais le docteur Khan n'est nullement rebuté, car il poursuit déjà un autre objectif. S'acoquiner avec la Corée du Nord. Thank you. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Lorsque M. X parle d'un réseau international clandestin monté par le docteur Kahn, il n'exagère pas. Dès 1994, un Allemand et deux Polonais sont accusés d'avoir voulu faire passer du plutonium au Pakistan. 10 ans plus tard, on en apprend un peu plus. Ainsi, voici ce qu'écrit dans Le Monde Georges Marion en février 2004. De fait, dans les années 1980 et 1990, plusieurs sociétés allemandes accusées d'avoir livré de la technologie ou des matériels pouvant servir à la fabrication de matières nucléaires ont fait l'objet de poursuites. Une 20aine de personnes ont été condamnées à l'issue de procédures qui ont rarement fait la une des journaux. La publicité n'a toutefois pas manqué à une affaire qui, entre 1994 et 1998, a connu de nombreux rebondissements. Le 17 juillet 1995, la justice a condamné à plusieurs années de prison un Colombien et deux Espagnols. L'année précédente, ils avaient fait passer à Munich, par un avion de ligne régulier en provenance de Moscou, 363 grammes de plutonium et de lithium. Selon les enquêteurs allemands, la marchandise était destinée au Pakistan. Alors, ces rapports avec la Corée du Nord, là? Le docteur Kahn imagine de nouer avec ce pays des relations commerciales originales. Au début des années 90, le Pakistan est désormais en capacité de pouvoir expérimenter sa bombe nucléaire. Mais il attendra 1998, c'est ça? Les tirs indiens, sans doute. Sous la pression des États-Unis, les Pakistanais ont-ils hésité? Toutefois, quand les Indiens prendront l'initiative de faire exploser plusieurs bombes, ils ne pourront plus attendre et procéderont immédiatement à leur propre expérimentation. Ce qui montre bien que les bombes étaient prêtes depuis un certain temps. Encore, fallait-il disposer de vecteurs pour les rendre opérationnels. Et alors, la Corée du Nord dans tout ça? Le programme nucléaire nord-coréen de construction d'une bombe au plutonium est encore inachevé. Il a été détecté par les Américains. Mais en revanche, Pyongyang est très en avance dans le domaine des missiles. Ouais, je vois ce que vous voulez dire là. Le Pakistan et la Corée du Nord sont donc complémentaires. Et le docteur Kahn va leur proposer un troc. Des missiles contre la bombe. Une bombe à l'uranium enrichi produit par les discrètes centrifugeuses de l'ingénieur pakistanais. Le marché est rapidement conclu. Dans les années qui suivent, Kahn ne fera pas moins de 13 voyages à Pyongyang. Et les services secrets américains détecteront un accroissement spectaculaire des échanges aériens entre les deux pays. Plusieurs fois par mois, des avions gros porteurs pakistanais font des allers-retours entre les deux capitales. Des appareils militaires? Oui, ce qui prouve que les autorités étaient parfaitement au courant. Alors quand ces avions cargo décollent d'Islamabad, ils sont chargés de centrifugeuses? Ou d'éléments permettant de les assembler. Et au retour, ils transportent des pièces de missiles. Ce troc dure jusqu'en 2003. Il a peut-être permis à la Corée du Nord de se doter de la bombe et au Pakistan, plus certainement, de placer ses ogives nucléaires sur des fusées très performantes. Le missile Gori 1, directement inspiré du missile nord-coréen Nodong, a une portée de 1500 km. Et sa version améliorée, le Gori 2, peut atteindre 2000 km. C'est-à-dire que ces engins-là peuvent atteindre tous les sites vitaux de l'Inde? Exactement. Vous dites que ce truc a duré jusqu'en 2003, c'est ça, hein? Mm-hmm. Alors pourquoi ça s'est arrêté? Oui, ça s'est arrêté en avril. Et c'est à cette date qu'on a commencé à découvrir une partie du système mis en place par le docteur Kahn. Que s'est-il donc passé là, cette date? La DGSE. Notre service de renseignement. Oui, extérieur, oui. Hein, c'est ça. Donc la DGSE a alors bénéficié d'une précieuse information. Un cargo battant pavillon français a embarqué du matériel sensible à destination de la Corée du Nord. Ce bâtiment doit emprunter le canal de Suez. La France demande à l'Égypte de l'arraisonner et d'inspecter son chargement. Et le renseignement était exact? En effet. On découvre dans ces soutes des tonnes de tuyaux d'aluminium, des tubes qui servent à fabriquer des centrifugeuses. Mais le plus intéressant, c'est le nom de l'affréteur. Il s'agit du Sri Lankais installé à Dubaï, qui dirige les affaires du docteur Kahn. Ah, une preuve là contre l'ingénieur. Hein. Et une preuve indirecte, car il n'est pas personnellement impliqué. Aussi les Occidentaux vont lui tendre un piège avec, curieusement, la complicité du colonel Kadhafi. Comment alors? Le leader libyen était presque naturellement destiné à devenir un client du docteur Kahn, parce qu'il était riche et qu'il voulait rehausser son prestige et qu'il en voulait à mort aux États-Unis après le bombardement de Tripoli où l'une de ses filles avait trouvé la mort. Par conséquent, Pour dissuader les Américains de l'attaquer à nouveau, il était prêt à tout pour posséder une bombe atomique. Mmh. Et il est tombé dans les filets du Pakistanais. Les premiers contacts ont eu lieu au milieu des années 90. Et assez rapidement, Khan a fourni à la Libye quelques centrifugeuses et du matériel pour en construire des dizaines d'autres. Mais Kadhafi voit beaucoup plus grand. Il lui faut des milliers de centrifugeuses. Et les plus modernes, des PAC 2, la version améliorée de la PAC 1. Un joli marché pour Khan, là. Hein? Certainement. Mais une commande aussi énorme lui pose quelques problèmes. Il lui faut faire fabriquer ses matériels sophistiqués dans plusieurs pays à la fois. Mais pour ne pas attirer l'attention. Et Tahir, son adjoint sri-lankais, va même jusqu'à faire construire une usine en Malaisie. Malaisie, pays musulman. Ce n'est certainement pas un hasard. En 2002, enfin, les pièces des machines sont usinées et les livraisons peuvent commencer. Le contrat passé avec le docteur Khan prévoit même l'implantation d'une usine ultra-secrète. Enfin, tout ça, c'est du bluff. Du bluff, là, il faut m'expliquer quand même. Kadhafi a déjà décidé d'en finir avec son image de terroriste. Ah ouais, et de faire ami-ami avec les Occidentaux. Essentiellement pour obtenir l'abolition des sanctions internationales qui frappaient toujours la Libye depuis l'attentat de Lockerbie. Il voulait donc rentrer dans le concert des nations, comme on dit aujourd'hui. Mais il lui fallait donner une preuve spectaculaire de sa bonne volonté. Et ça va se faire en deux temps, à la fin 2003. Ça commence à l'automne par l'arraisonnement d'un bateau allemand dans un port italien, le BBC China. Mmh. Encore un arraisonnement. Eh oui, et la pêche est miraculeuse. Ce cargo contient des caisses d'éléments de centrifugeuses à destination de la Libye. Il y a plus de 2000 pièces. Et l'expéditeur était l'organisation de Khan ? Ah bah ça ne faisait aucun doute. Alors, que s'est-il passé ? Il y a eu une fuite ? Ah bah forcément. Et la fuite, à mon avis, s'est produite à Tripoli et elle a été organisée directement par Kadhafi lui-même. Mais je vais vous expliquer pourquoi. En tout cas, à partir de là, tout va aller très vite. Quelques semaines plus tard, en décembre, le colonel annonce solennellement qu'il renonce à toute fabrication d'armes de destruction massive et qu'il entend procéder au démantèlement de celles qu'il possède. Et il invite le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique à venir en Libye. Mmh. Attendez, avant d'aller plus loin là. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que Kadhafi a fait cette annonce justement parce que le cargo là venait d'être arraisonné et qu'il apportait la preuve que la Libye essayait de se doter de la bombe? Non, non. Et je vais vous en apporter la preuve. Lorsque les inspecteurs de l'agence internationale commencent leur travail en Libye, ils constatent que les précieux matériels livrés par Khan sont encore en caisse et stockés dans le désordre et qu'il n'a même pas été procédé à une tentative de montage des centrifugeuses. Ça signifie donc que Kadhafi avait déjà renoncé à la bombe. Et qu'il était entré dans le jeu des Occidentaux. Et qu'en guise de bonne volonté, il avait lui-même dénoncé le cargo chargé de pièces. Mmh. Et pourquoi ? Pas pour permettre de coincer le docteur Khan. Et ça ne va pas tarder. Avant même que Kadhafi ne fasse sa déclaration solennelle, l'ingénieur pakistanais, à la demande des services américains, fait l'objet d'une enquête. Une enquête, quoi, pakistanaise ? Bien évidemment, il n'est pas question de permettre à la CIA d'interroger un héros national. Mais l'affaire est très embarrassante, parce que le docteur Khan affirme aux enquêteurs qu'il a toujours agi sur instruction des autorités de son pays, en parfait accord avec les dirigeants de l'armée. Bref, il met tout le monde dans le bain, quoi. Oui, et c'est inacceptable. Lui seul doit porter le chapeau et garder pour lui les précieux secrets dont il est porteur. Ses contacts privilégiés avec l'Arabie Saoudite, l'Iran, la Corée du Nord et peut-être même l'Indonésie. Et c'est ainsi que, sous la supervision du secrétaire d'État américain, Dick Cheney, on va passer avec lui un accord qui aboutira à la fameuse comédie télévisée du début février 2015. Ouais. Pour ne pas éclabousser le pouvoir, alors Khan accepte de tout prendre sur lui et présente ses excuses. Et tout de suite après, le président Musharraf l'absout. En principe, le héros pakistanais est placé en résidence surveillée. Il a aussi été démis de ses fonctions. Mais on s'est bien gardé de toucher à ses biens. Et surtout, il échappe à toute poursuite internationale. Mmh. Épilogue, donc. Mais pas la fin du mystère. Que voulez-vous dire là ? Tenez, si vous voulez le fond de ma pensée, je suis persuadé que l'histoire qui est à l'origine de la bonne fortune d'Abdul Khan... Ce vol de documents, là, dans une usine néerlandaise, oui, c'est ça ? Oui, eh bien, je suis sûr qu'il s'agit d'un mensonge. Et pourquoi, là, moi, ça me paraît assez vraisemblable, cette histoire ? Si dans un établissement forcément placé sous une étroite surveillance, non seulement par les autorités des Pays-Bas, mais aussi par les services secrets des pays de l'OTAN, un ingénieur stagiaire pourrait s'emparer de documents ultra secrets, mais aussi de toute une liste de clients et fournisseurs de cette entreprise? Non, ça sent le montage. Ouais, que voulez-vous dire, Alex? Les Occidentaux, et je pense en particulier aux Américains, avaient déjà décidé d'aider le Pakistan à construire sa bombe. D'autant qu'ils venaient justement de contribuer à faire entrer l'Inde dans le club très fermé des États nucléaires. Ce que le Pakistan, fidèle allié des Occidentaux dans la région, ne pouvait ignorer. Alors, ils ont voulu rétablir l'équilibre? Bien entendu. Mais comme Washington ne voulait pas porter la responsabilité de cet accroc à la politique de non-prolifération, on a inventé cette mauvaise histoire d'espionnage. En réalité, le docteur Khan n'a rien volé du tout. On lui a simplement donné les plans de ces fameuses centrifugeuses. Telle est, à mon avis, la vérité. Une vérité qui n'apparaît nulle part dans les documents que j'ai consultés, sauf dans le livre de Dominique Lorenz, Affaires atomiques, publié par les éditions des Arènes. L'auteur évoque même, à ce propos, un grossier stratagème. À samedi prochain, je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission. Et je vous rappelle aussi qu'il existe maintenant des CD, des Rendez-vous avec X, CD coédités par Radio France. Bonjour, bonjour, je suis en ligne avec... Monsieur Chartier, épicier à Tours. Alors, que pensez-vous du porte-monnaie électronique Monéo? Que du bien. Mes clients n'ont plus besoin d'avoir de la monnaie, ou moi de faire la pointe. Pour acheter juste quelques citrons ou des poireaux, c'est quand même plus simple. Mais si leur carte n'est plus créditée? Pas de problème, ils peuvent la recharger chez moi au moment de payer. Ah, merci et bonne journée. Vous voyez, pour avoir toujours la somme qu'il vous faut, c'est vraiment bien la carte Monéo. À midi, prenez le temps de faire dorer une tranche de pain de campagne recouverte de jambon cru et de comté. Au four, le comté enrobe le jambon de sa belle couleur dorée. C'est fondant, vous fondez. Le comté nous apprend à savourer le temps. Comté. Viva l'Algérie. France Inter a soutenu sa sortie en salle. Vous avez entendu Nadir Moknesh de nombreuses fois dans les émissions Cinéfilm, Charivari ou encore Cosmopolitaine. Aujourd'hui, France Inter présente l'édition DVD de Viva l'Algérie. À travers le parcours de trois femmes, drôles et émouvantes, Nadir Moknesh procède à une mise à nu de l'Algérie, avec ses interdits, sa joie de vivre et ses espoirs. Viva l'Algérie, un film de Nadir Moknesh, en coffret DVD, avec 1h30 de supplément exceptionnel. Une coédition France Inter. Dans quelques minutes, vous allez retrouver Denis Chessou, CO2, mon amour, où il sera question des manchots. Mais pour le moment, il est précisément 14h et vous écoutez France Inter. Les informations, Michel Khalifa, bonjour. Bonjour, la grève des contrôleurs de la SNCF touche à sa fin en Midi-Pyrénées, mais aussi en Aquitaine et en Poitou-Charentes. Les grévistes ont décidé de mettre un terme au mouvement commencé mercredi. Le trafic devrait être rétabli progressivement sur l'ensemble du réseau d'ici demain. La SNCF signale toujours des difficultés sur trois lignes corail, Paris-Normandie, Bordeaux-Marseille-Nice et Paris-Limoges-Brive-Toulouse. Depuis hier soir, la neige tombe et en abondance sur la Haute-Corse. Tout le département est touché, y compris Bastia et le littoral. Résultat, la circulation est fortement perturbée aujourd'hui. Les gendarmes conseillent aux automobilistes de différer leurs déplacements les moins urgents. Plusieurs centaines de foyers sont privés d'électricité. Et puis le match de football Bastia-Lyon qui devait se disputer cet après-midi a été annulé à cause de ces conditions météorologiques. Météo France parle d'un événement relativement exceptionnel. Elle a émis un bulletin